Puis, il se rapprocha de sœur Hyacinthe, qui s'était assise dans l'embrasure de la haute fenêtre, grande ouverte à l'air tiède de la cour. Le soleil commençait à tourner, ne glissait plus qu'en une étroite barre d'or sur la coiffe blanche et la guimpe blanche. Et lui demeura debout devant elle, à la regarder coudre, adossée contre la barre d'appui. « Vous savez, ma sœur, que ce voyage à Lourdes, dont j'ai accepté la corvée pour rendre service à un ami, va être un des rares bonheurs de mon existence. » Elle ne comprit pas, demanda naïvement. « Comment ça ?»« Mais parce que je vous ai retrouvé, parce que je suis ici avec vous, à vous aider un peu dans vos œuvres admirables. Et si vous saviez comme je vous ai de la reconnaissance, comme je vous aime, comme je vous vénère. » Elle leva la tête pour le regarder en face. Elle se mit à plaisanter, sans embarras aucun. Elle était délicieuse, avec son teint de lys candide, sa bouche petite et gaie, ses adorables yeux bleus qui souriaient toujours. Et on la sentait si fine, si souple, sans plus de poitrine qu'une fillette, toute poussée en innocence et en dévouement. « Vous m'aimez tant que ça? Pourquoi donc ?»« Pourquoi je vous aime? Vous êtes la créature la meilleure, la plus consolante, la plus fraternelle. Vous êtes jusqu'ici dans ma vie le souvenir le plus profond, le plus doux, celui que j'évoque lorsque j'ai besoin d'être soutenue et encouragée. Vous ne vous souvenez donc pas du mois que nous avons passé tous les deux dans ma pauvre chambre lorsque j'ai été si malade et que vous m'avez si affectueusement soignée? Mais si, mais si! Même je n'ai jamais eu de malade si gentil que vous. Tout ce que je vous donnais, vous le preniez. Et quand je vous bordais après vous avoir changé de linge, vous ne bougiez pas plus qu'un enfant. » Et elle continuait à le regarder, avec son rire ingénu. Il était très beau, très robuste, le nez un peu fort, les yeux superbes, la bouche rouge sous les moustaches noires, dans tout l'éclat de sa virile jeunesse. Mais elle semblait simplement heureuse de le voir ainsi devant elle, touchée aux larmes. « Ah, ma sœur, je serais mort sans vous. C'est de vous avoir qui m'a guérie. » Alors, tandis qu'il se regardait avec cette gaieté attendrie, le moi adorable s'évoqua. Il n'entendait plus le râle de Madame Vétue, il ne voyait plus la salle encombrée de lits, pareille dans son désordre à une ambulance improvisée, après une catastrophe publique. C'était en haut d'une maison noire qu'il se retrouvait, dans une mansarde étroite du vieux Paris, où l'air et le jour ne leur arrivaient que par une petite fenêtre, ouverte sur un océan de toiture. Et quel charme d'être seule, lui terrassé par la fièvre, elle tombée là comme un bon ange, venue tranquillement de son couvent, en camarade qui ne redoutait rien. Elle soignait ainsi les femmes, les enfants, les hommes, au petit bonheur de la rencontre, parfaitement heureuse, pourvu qu'elle se remuât et qu'elle soulageât quelques souffrances, sans que jamais l'idée même de son sexe apparût en elle. Lui non plus ne semblait pas s'être douté qu'elle pouvait être une femme, si ce n'était qu'elle avait les mains très douces, la voix caressante, l'approche bienfaisante. Et il émanait d'elle, pourtant, toute la tendresse de la mère, toute l'affection de la sœur. Pendant 3 semaines, ainsi qu'elle le disait, elle l'avait soigné comme un enfant, le levant et le couchant, lui rendant les soins intimes, sans gêne, sans répugnance, sauvés tous les deux par la pureté sainte de la souffrance et de la charité. Cela se passait au-dessus de la vie. Puis, quand la convalescence était venue, quelle bonne intimité, quel rire de vieux amis! Elle le veillait encore, le grondait, lui donnait des tapes sur les bras lorsqu'il s'obstinait à les tenir hors de la couverture. Il la regardait faire de petits savonnages dans la cuvette, lui laver une chemise pour lui éviter les cinceaux du blanchissage. Jamais personne ne mentait. Ils étaient seuls, à 1000 lieues du monde, ravis de cette solitude, où s'égayait si fraternellement leur jeunesse. Vous souvenez-vous, ma sœur, du matin où j'ai marché pour la première fois? Vous m'avez levée, vous m'avez soutenue pendant que je trébuchais, maladroit, ne sachant plus me servir de mes jambes. Cela nous faisait rire. Oui, vous étiez sauvée, j'étais bien contente. Et le jour où vous m'avez apporté des cerises, je nous vois encore, moi contre mes oreillers, vous assise au bord du lit, avec les cerises entre nous deux, dans un grand papier blanc. Je n'avais pas voulu y toucher si vous n'en mangiez pas avec moi. Alors, chacun son tour, nous en avons pris une. Et le papier s'est vidé, et elles étaient très bonnes. Oui, très bonnes. C'était comme le sirop de groseille. Vous ne vous décidiez à en prendre que lorsque j'en prenais moi-même. Il riait plus haut. Ses souvenirs les enchantaient. Mais un soupir douloureux de Madame Vêtu les ramena à l'heure présente. Il se pencha, jeta un coup d'œil sur la malade qui n'avait pas bougé. La salle gardait sa grande paix frissonnante, troublée seulement par la voix claire de Madame Desagneaux en train de compter le linge. Étouffé d'émotion, il reprit plus bas. Oh, ma sœur, je puis vivre 100 ans. Je puis connaître toutes les joies, toutes les tendresses. Jamais je n'aimerais une autre femme comme je vous aime. » Alors, sœur Hyacinthe, sans confusion pourtant, baissa la tête, se remit à coudre. Une imperceptible rougeur avait teinté de rose son teint de lys. « Moi aussi, monsieur Ferrand, je vous aime bien. Seulement, il ne faut pas me rendre orgueilleuse. J'ai fait pour vous ce que je fais pour tant d'autres. C'est mon métier à moi, vous savez. Et là-dedans, il n'y a eu qu'une chose d'agréable, c'est que le bon Dieu vous a guéri. » De nouveau, ils furent interrompus. La Grivotte et Élise Rouquet revenaient de la grotte avant les autres. Tout de suite, la Grivotte s'accroupit sur son matelas, par terre, au pied du lit de Madame Vêtu. Et elle tira de sa poche un morceau de pain qu'elle se mit à dévorer. Ferrand, depuis la veille, s'était intéressé à cette phtisique qui traversait une si curieuse période d'agitation, prise d'un appétit exagéré, d'un besoin fébrile de mouvement. Mais à 7 minutes, le cas d'Élise Rouquet le frappa davantage encore, car il devenait certain maintenant que le lupus, dont la plaie lui mangeait la face, s'était amendée. Elle continuait les lotions à la fontaine miraculeuse. Elle sortait justement du bureau des constatations, où le docteur Bonamy avait triomphé. Surpris, Ferrand s'avança, examina cette plaie, pâlie déjà, un peu séchée, qui était loin d'être guérie, mais où commençait tout un travail sourd de guérison. Et le cas lui parut si curieux qu'il se promit de prendre quelques notes pour un de ses anciens maîtres de l'école, en train d'étudier l'origine nerveuse de certaines maladies de la peau que détermine un trouble de la nutrition. « Vous n'avez pas senti de picotement ? » demanda-t-il. « Non, non, monsieur, je me lave et je dis mon chapelet de toute mon âme, voilà tout. » La Grivotte, vaniteuse et jalouse, qui depuis la veille triomphait au milieu des foules, appela le médecin. « Moi, monsieur, je suis guérie complètement !» Il eut un geste amical en refusant de l'examiner. « Je sais, ma fille, vous n'avez plus rien du tout. » Mais à ce moment, sœur Hyacinthe le rappela. Elle venait de lâcher sa couture en voyant Madame Vêtu se soulever dans une nausée atroce. Malgré sa hâte, elle n'eut pas le temps d'arriver avec la cuvette. La malade avait rendu encore un flot de déjections noires, pareilles à de la suie. Et cette fois, du sang s'y trouvait mêlé, des filets de sang violâtre. C'était l'hémorragie, la fin prochaine que Ferrand redoutait. « Prévenez, madame la directrice !» dit-il à demi-voix, en s'installant pour rester lui-même près du lit. Sœur Hyacinthe courut chercher madame de Jonquière. Le linge était compté, et elle la trouva en grande conversation avec sa fille Raymonde, à l'écart, pendant que madame des Agneaux se lavait les mains. Raymonde venait de s'échapper un instant du réfectoire, où elle se trouvait de service. C'était, pour elle, la corvée la plus rude, cette longue salle étroite, avec ses deux rangées de tables graisseuses, son odeur écœurante de graillons et de misère, lui retournait le cœur. Et elle était montée très vite, profitant de la demi-heure qui lui restait avant la rentrée des malades. Essoufflée, très rose, les yeux luisants, elle se jeta au cou de sa mère. « Ah, maman, quel bonheur! C'est fait !» Étonnée, la tête pleine et bourdonnante de la direction de sa salle, madame Jonquière ne comprenait pas. « Quoi donc, mon enfant ?» Alors, Raymonde baissa la voix et, rougissant un peu, « Mon mariage !» Ce fut le tour de la mère à se réjouir. Une satisfaction vive éclata sur son gras visage de femme mûre, belle et agréable encore. Tout de suite, elle avait revu leur petit logement de la rue Vanneau, où, depuis la mort de son mari, elle élevait si étroitement sa fille, avec les quelques milliers de francs qu'il lui laissait. Le mariage, c'était la vie recommencée, les salons rouverts, la belle situation d'autrefois reconquise. « Ah, mon enfant, que je suis contente !» Mais une gêne, brusquement, l'embarrassa. Dieu lui était témoin que, depuis 3 ans, elle venait à Lourdes par un besoin de charité, pour la seule grande joie de soigner ses chers malades. Peut-être, dans son dévouement, si elle avait fait son examen de conscience, eût-elle trouvé aussi un peu de sa nature autoritaire, qui lui rendait très doux l'exercice du commandement. Et l'espoir de trouver un mari pour sa fille, parmi les jeunes gens de son monde qui pullulaient à la grotte, ne serait sincèrement arrivé qu'en dernier. Elle y pensait bien, simplement comme à une chose possible, dont elle ne parlait pas. Cependant, le bonheur lui arracha un aveu. « Ah, mon enfant, la réussite ne m'étonne pas. Je l'avais demandé ce matin à la Sainte Vierge. » Puis, elle voulut une certitude. Elle se fit donner des détails. Raymonde ne lui avait pas encore conté sa longue promenade de la veille au bras de Gérard, désireuse de ne lui parler de ces choses que triomphante, certaine d'avoir conquis enfin un mari. Et c'était fait, comme elle le criait si gaiement. Le matin même, elle avait revu à la grotte le jeune homme, qui s'était engagé d'une façon formelle. Cependant, M. Berthaud ferait la demande pour son cousin avant leur départ de Lourdes. « Allons !» déclara Madame de Jonquière, qui se remettait de son scrupule, souriante, ravie au fond. « J'espère que tu seras heureuse, puisque tu es si raisonnable. » et que tu n'as pas besoin de moi pour mener à bien tes affaires. Embrasse-moi !» Ce fut alors que sœur Hyacinthe arriva pour dire la mort imminente de madame Vêtu. Déjà, Raymonde s'en était allée en courant, et madame des Agneaux, qui s'essuyait les mains, se fâchait contre ces dames auxiliaires qui avaient toutes disparu, précisément le matin où l'on aurait eu besoin d'elles. « Ainsi !» ajouta-t-elle. « Madame Volmar, je vous demande un peu où elle a pu passer. On ne l'a pas vue 1 heure seulement depuis que nous sommes ici. »« Laissez donc Madame Volmar tranquille, » répondit Madame de Jonquière avec quelque impatience. « Je vous ai dit qu'elle était malade. » D'ailleurs, toutes deux coururent auprès de Madame Vêtu. Ferrand, debout, attendait. Et sœur Hyacinthe lui ayant demandé s'il n'y avait rien à faire, il répondit non, d'un signe de tête. La mourante, comme soulagée par son premier vomissement, était restée inerte, les yeux fermés. Mais une seconde fois, la nausée affreuse revint. elle vomit un nouveau flot de déjections noires mêlées à du sang violâtre. Puis elle eut encore un moment de calme, elle ouvrit les yeux, aperçut la grivotte qui mangeait goulûment son pain par terre sur le matelas. Et, se sentant mourir, « Elle est guérie, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle. La grivotte l'entendit, s'exalta. « Oh oui, madame, guérie, guérie, guérie tout à fait !» Un instant, madame Vêtue parut en proie à une tristesse abominable, à la révolte de l'être qui ne veut pas finir quand les autres continuent à vivre. Mais déjà, elle se résignait. On l'entendit qui ajoutait très bas, « Ce sont les jeunes qui doivent rester. » Et ses yeux, qui restaient grands ouverts, faisaient le tour, semblaient dire adieu à tout ce monde qu'elle était surprise de trouver là. Elle s'efforça de sourire en rencontrant le regard d'avide curiosité que la petite Sophie Couteau continuait à fixer sur elle. Cet enfant si gentille était venu l'embrasser le matin même dans son lit. Élise Rouquet, ne s'occupant plus de personne, avait pris son miroir, s'était absorbée dans la contemplation de sa face, qu'elle croyait voir s'embellir à vue d'œil depuis que la plaie séchait. Mais ce fut surtout le spectacle de Marie, si charmante dans son extase, qui parut ravir la mourante. Elle la regarda longuement, ramenée toujours à elle, comme à une vision de lumière et de joie. Peut-être croyait-elle déjà apercevoir les saintes du paradis dans la gloire du soleil. Brusquement, les vomissements recommencèrent. Et désormais, il n'y avait plus que du sang, ce sang gâté d'une couleur vineuse. Le flot en était si fort qu'il éclaboussait le drap, souillait tout le lit. Vainement, madame de Jonquière et madame des Agneaux apportaient des serviettes, l'une et l'autre très pâles, les jambes défaillantes. Et Ferrand, dans son impuissance, s'était reculé jusqu'à la fenêtre, à la place où il venait d'avoir une si délicieuse émotion. Tandis que, d'un mouvement instinctif, dont elle n'avait sûrement pas conscience, sœur Hyacinthe, elle aussi, était revenue à cette fenêtre heureuse, comme pour se serrer contre lui. « Mon Dieu !» répéta-t-elle. « Vous ne pouvez donc rien ?»« Non, rien. Elle va s'éteindre ainsi, pareille à une lampe qui se vide. » Maintenant, épuisée, avec un filet rouge qui lui coulait encore de la bouche, madame Vêtue regardait fixement madame de Jonquière en remuant les lèvres. La directrice se pencha, entendit des phrases lentes. « C'est pour mon mari, madame. La boutique est rue Mouffetard. Oh, toute petite, pas loin des Gobelins. Il est horloger. Il n'a pas pu me suivre naturellement à cause de la clientèle. Et il va être bien embarrassé quand il verra que je ne reviens pas. Oui, je nettoyais les bijoux, je faisais les courses. » La voix s'affaiblissait, les mots s'espaçaient dans un râle. « Alors, madame, c'est pour vous prier de lui écrire, parce que moi, je ne l'ai pas fait, et que c'est fini. Dites-lui que mon corps reste à Lourdes, ça ferait trop de frais, et qu'il se remarie, il faut ça dans le commerce. La cousine, dites-lui la cousine. » Il n'y eut plus qu'un murmure confus. La faiblesse était trop grande, le souffle s'arrêtait. Pourtant, les yeux demeuraient ouverts et vivants encore, dans la face jaune d'une pâleur de cire. Et ses yeux semblaient s'attacher désespérément au passé, à tout ce qui allait ne plus être, la petite boutique d'horlogerie au fond d'un quartier populeux, le train uniforme et doux du ménage, avec un mari travailleur, toujours penché sur des montres, les grands plaisirs du dimanche, qui étaient de voir aux fortifications partir des cerfs-volants. Puis les yeux élargis cherchèrent, en vain, dans l'affreuse nuit qui montait. Une dernière fois, Madame de Jonquière s'était penchée, en voyant de nouveau les lèvres remuées. Ce ne fut plus qu'un léger frisson de l'air, une voix de l'au-delà qui balbutiait, lointaine, avec une désolation immense. « Elle ne m'a pas guérie !» Et Madame Vêtue expira, très doucement. Comme si elle n'attendait que cela, la petite Sophie Couteau, satisfaite, sauta du lit, retourna jouer avec sa poupée au bout de la salle. Ni la Grivotte, occupée à finir son pain, ni Élise Rouquet, tout entière à son miroir, ne s'aperçurent de la catastrophe. Mais dans le souffle froid qui passait, aux chuchotements éperdus de Madame de Jonquière et de Madame des Agneaux, à qui manquait l'habitude de la mort, Marie parut s'éveiller, sortir du ravissement d'attente où la jetait l'oraison continue de tout son être, sans parole, bouche close. Et quand elle eut compris, un apitoiement fraternel de compagne de douleur, certaine de sa guérison, la mit en larmes. Ah, la pauvre femme, morte si loin, si seule, à l'heure de renaître. Ferrand, remué profondément, lui aussi, malgré l'indifférence professionnelle, s'était avancé pour constater la mort. Et ce fut sur un signe de lui que sœur Hyacinthe rejeta le drap, couvrant la face de la morte. Car il ne fallait pas songer à enlever le corps en ce moment. Les malades revenaient par bandes de la grotte. La salle, si calme, si ensoleillée, s'emplissait de son tumulte habituel de misère et de souffrance. Des toux profondes, des jambes traînantes, l'odeur fade, le pitoyable étalage de toutes les infirmités humaines.